plus abjecte, à l'effort qui me tend, et mon corps que je vends pour des minuscules miettes de sentiments. Je suis qu'une éponge qui dégouline, ma tête je la plonge, le cœur en spleen. C'est pour que j'emmerde, pour qu'on s'y perde, c'est moi que je la gèle pour des bagatelles. Je suis la tête de l'autoflagellation intellectuelle, sorte de concept où l'on n'est que le fiel. Laissez-vous tenter, vous esquinter, goûter aux délices de se rebuter. Des nouvelles, vous m'en direz, peut-être qu'elles seront belles, peut-être même que vous m'aimerez. Pas moi un peu l'espoir, histoire d'y voir dans le noir, faire valoir sans laisser choir. Et là je vrille, je me recroqueville, je me pille, je me dégobille, et ma coquille je la bousille, et mes pupilles, elle est le bruit. Je suis adepte de l'autoflagellation intellectuelle, sorte de concept où l'on n'est que le fiel.